Les petites histoires de Tell Me. L'opération anti-déménagement. L'heure est grave. Lise vient de m'appeler. À 16h. On ne s'appelle jamais à ce moment-là, toujours à 19h. Et puis sa voix. Lola, je sais pas quoi faire, ça va pas du tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mes parents veulent déménager, c'est horrible. Déménager? Mais pour aller où? En Corée. Lola, t'es encore là? C'est une blague, hein? Non, papa et maman viennent de me l'annoncer. Papa a trouvé un travail en or là-bas, du genre qu'il peut pas refuser. Tu parles. Ils sont vraiment trop nuls. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, là-bas? T'inquiète, tu partiras pas. Parole de L. Les L, c'est le surnom de notre duo. Et les L arrivent toujours à avoir ce qu'elles veulent. Par exemple, Saucisse, mon chat. Mes parents m'avaient dit qu'on n'en aurait jamais. Hier, on a fêté ses 4 ans. Il y a aussi la fois où on s'est rebellé contre Ethan, le boss de l'école. Il n'arrêtait pas d'être méchant avec Lise, alors on en a eu marre. Ben, notre plan était tellement parfait qu'il a dû changer d'école. Et la fois où on a changé la destination des vacances en camping. Les parents voulaient aller à Clermont-Ferrand, trop nul. Du coup, on a changé pour Arcachon. Bon, ça a marché, mais après, on a été toutes les deux privées de dessins animés pendant 2 mois. C'était super long. Bref, on a lancé l'opération anti-déménagement. Notre première idée, c'était d'annoncer à Monsieur Kim, le futur patron du père de Lise, qu'il ne venait plus. C'était facile. Il fallait juste envoyer un mail à ce Monsieur Kim. Elle a pensé qu'on n'y arriverait jamais. Mais c'est pas parce qu'on parle pas coréen et qu'on n'est pas des pros de l'ordi que c'est impossible. J'ai passé assez de temps avec ma mère qui est toujours collée sur son ordinateur pour savoir comment envoyer un mail. Et grâce à elle, je sais comment on écrit dans une langue qu'on ne connaît pas. Suffit d'utiliser Google. Du coup, pour y arriver, on devait d'abord récupérer l'adresse internet de Monsieur Kim. Trop simple. Les adresses internet, elles sont sur les cartes de visite. Et les cartes de visite, elles sont rangées dans la boîte à cartes de visite dans le bureau du père de Lise. Parce que son père aime trop tout ranger dans des boîtes avec des étiquettes dessus qui disent ce qu'il y a dedans. Celle de Monsieur Kim était la première. Ensuite, on a allumé l'ordinateur du bureau. Là, il nous fallait un code. Lise stressait, mais ça servait à rien. Les codes des parents, c'est toujours la même chose. C'est soit les prénoms des enfants, soit leur date de naissance. Ce coup-ci, c'était les deux. Lise, 16-07-2008. Trop facile. Après, les choses se sont un peu compliquées. L'écran ne ressemblait pas du tout à celui de maman. Impossible de savoir où il fallait cliquer pour envoyer un mail. J'ai pas voulu le dire à Lise. Du coup, j'ai cliqué au hasard. Et là, tout a disparu. L'écran est devenu blanc, noir, bleu. On a fermé l'ordi paniqué et on a filé dans le jardin comme si de rien n'était. À 19h pile, j'ai appelé Lise. Alors, il a dit quoi ton père? Il a hurlé. Et? Ben, il a amené son ordinateur chez le réparateur. Et? Ben rien, on part toujours. Faut trouver une autre solution. Pourquoi on n'annulerait pas vos billets d'avion? Tu sais faire ça, toi? Non. Ah, je sais! On kidnappe ton frère et on le rend seulement si vous restez. Mais n'importe quoi, j'ai pas envie d'être punie à vie. Oh. Et si on faisait croire à tes parents qu'une tempête avait détruit la Corée? Avec Internet, ils découvriront la vérité en 2 secondes. T'as raison. Je sais! Madame Nattier, la directrice. Mes parents l'écoutent toujours. On n'a qu'à les appeler en se faisant passer pour elles. On leur fera croire qu'elles s'opposent à notre déménagement. Le lendemain, on s'est retrouvés chez moi pour mettre notre idée en action. C'était presque trop facile. On passait notre temps à imiter Madame Nattier. Elle a une voix aiguë trop drôle, surtout qu'elle met toujours des « un » à la fin des mots. Et au jeu « imiter la directrice », je suis la meilleure. Donc j'ai appelé. « Oui, bonjour, Madame Marois. Oui ?»« Oui, c'est Madame Nattier, l'appareil. Ah oui, bonjour. Je vous appelle pour vous dire que déménager en Corée, c'est pas une bonne idée. Ah bon ? Mais quand on vous en a parlé hier avec mon mari, vous aviez l'air ravie. Ah, mais j'ai réfléchi. Un départ si rapide risque de rendre votre fille malheureuse. Et elle aura plein de mauvaises notes. Et puis le coréen, c'est difficile. Et à l'école, nous pensons que ça va créer un déséquilibre. Je tenais à vous le dire. Vous avez raison, nous serons vigilants. Et puis je dois l'avouer, c'est aussi dur pour nous de partir. Mais c'est une belle aventure qui nous attend. Sauf qu'elle va perdre sa meilleure amie, hein. Lola? Pas du tout, je suis Madame Nattier. Je sais que tu es très triste qu'on s'en aille. Mais vous pourrez toujours vous voir. Tu n'as qu'à venir à la maison, on pourra en parler ensemble. J'ai raccroché. Ça servait à rien de se voir, ça n'allait rien changer. Moi, je voulais que Lise reste. Les L ne pouvaient pas être séparées. Après ça, on a commencé une grève de la faim. mais à la fin de la première journée, on avait trop faim. Ensuite, on a bourré la boîte aux lettres de Lise, de lettres qu'on avait écrites pour s'opposer à son départ. On est même allé voir la police pour les prévenir que Lise allait être kidnappée. Sauf que le policier a appelé nos parents. Finalement, on a eu une idée de génie. Tellement géniale qu'on s'est demandé pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Pour annuler le départ, il suffisait de saboter le camion de déménagement. Personne ne part à l'autre bout du monde sans ses affaires. De toute façon, cette idée devait marcher parce qu'après le passage des déménageurs, Lise allait partir pour toujours. Il n'y avait pas 36 000 solutions. On a attendu que les adultes soient un peu fatigués pour prétexter avoir un dernier carton à descendre. Le carton qui contenait tous les secrets des L, comme par hasard. On l'a mis dans le camion, mais avant de retourner dans la maison, on s'est faufilé dans la cabine. Là, on a trouvé le vieux boîtier du GPS plein de poussière. Comme il était un peu dur à utiliser, on s'est caché dans la remorque derrière un meuble. Après de longues minutes à batailler, on a réussi à entrer la nouvelle destination. La maison de la grand-mère de Lise. Ben oui, on voulait pas que Lise perde toutes ses affaires pour de vrai. On allait remettre le GPS à sa place quand on a entendu du bruit. Quelqu'un approchait. On s'est caché dans le meuble en attendant qu'il s'en aille. Sauf que les portes se sont refermées et que le camion a démarré avec nous dedans. Mais pourquoi il démarre? Ils ont pas le GPS? Oh punaise, si ça se trouve, c'était pas le bon. Arrête! Ben, ça expliquerait pourquoi il est plein de poussière. Et puis, quand j'y pense, papa, quand il utilise son GPS, ça a l'air bien plus simple. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? On va mourir de faim avant d'arriver en Corée! T'inquiète, dès que le camion s'arrête, on frappe de toutes nos forces et on hurle. On va être puni à vie! Je dirais que tout est ma faute. Non, mais le voyage, ça va être trop long. Imagine la tête des parents quand on les appellera de chez mamie. Au moins, on aura tout essayé. Mais comment je vais faire sans toi? Et moi, comment je vais faire sans toi? Je vais être toute seule là-bas, ça va être horrible. Tu vas retrouver une meilleure copine et tu m'oublieras. Mais arrête, c'est impossible. Vraiment? Ben oui, t'es ma meilleure amie pour la vie. Tu m'oublieras pas. Tu sais bien qu'une L ne ment jamais. Et puis notre amitié est plus forte que 9000 kilomètres de rien du tout. Ouais, c'est vrai. Et puis, si tu te fais des nouveaux copains, tu me les présenteras? Ben oui. D'un coup, le camion s'est arrêté. Comme prévu, on a hurlé et tapé sur la paroi. Les portes se sont ouvertes. La lumière nous a éblouis. Il y avait 4 silhouettes, celles de nos parents, même pas étonnées, même pas fâchées. On s'est tous pris dans les bras et on s'est promis qu'aux prochaines vacances, on se reverrait. Parole de L. C'était une petite histoire de Cécile Rubin, racontée par Karine Texier. Vous l'avez aimée ? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. À bientôt !